وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Il dit subhanahu wa ta'ala dans versets 6 et 7 de sourate At-Talaq, et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens, et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Puis, si elles allaitent l'enfant né de vous, donnez-leur leur salaire, et concertez-vous à ce sujet de façon convenable. Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors une autre allaitera pour lui. Que celui qui est aisé dépense de sa fortune, et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné, et Allah fera succéder l'aisance à la gêne. قال الشيخ السعدي رحمه الله تقدم أن الله نهى عن إخراج المطلقات عن البيوت وهنا أمر بإسكانهن وقدر الإسكان بالمعروف وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلها بحسب وجد الزوج وعسره ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن أي لا تضاروهن عند سكناهن بالقول أو الفعل لأجل أن يمللن فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة فتكونوا أنتم المخرجين لهن وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهن ونهاهن عن الخروج وأمر بسكناهن على وجه لا يحصل عليهن ضرر ولا مشقة وذلك راجع إلى العرف وإن كن أي المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها إن كانت بائنا ولها ولحملها إن كانت رجعية ومنتهى الفقه ومنتهى النفقة حتى يضعن حملهن فإذا وضعن حملهن فإما أن يرضعن أولادهن أو لا فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن المسمات لهن إن كان مسمى وإلا فأجر المثل وأتمروا بينكم بمعروف أي ليأمر كل واحد من الزوجين ومن غيرهما الآخر بالمعروف وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة فإن الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصل فيه من الشر والضرر ما لا يعلمه إلا الله وفي الائتمار تعاون على البر والتقوى ومما يناسب هذا المقام أن الزوجين عند الفراق وقت العدة خصوصا إذا ولد لهما ولد في الغالب يحصل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق الذي في الغالب ما يصدر إلا عن بغض ويتأثر منه البغض شيء كثير فكل منهما يؤمر بالمعروف والمعاشرة الحسنة وعدم المشاقة والمخاصمة وينصح على ذلك وإن تعاسرتم بأن لم تتفقوا على إرضاعها لولدها فلترضع له أخرى غيرها فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وهذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير أمه فإن لم يقبل إلا ثدي أمه تعينت لإرضاعه ووجب عليها وأجبرة امتنعت وكان لها أجرة المثل إن لم يتفق على مسمى وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى فإن الولد لما كان في بطن أمه مدة الحمل ليس له خروج منه عين الله على وليه النفقة فلما ولد وكان يمكن أن يتقوت من أمه ومن غيرها أباح تعالى الأمرين فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقوت إلا من أمه كان بمنزلة الحمل وتعينت أمه طريقا لقوته ثم قدر تعالى النفقة بحسب حال الزوج فقال لينفق ذو سعة من سعته. Il dit, rahimahullah ta'ala, en expliquant ces versets 6 et 7 de Sourate At-Talaq. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets précédents, a interdit d'expulser les femmes divorcées de leur maison. Ceci pendant la période de viduité. On avait dit qu'il est interdit aux hommes d'expulser l'épouse et il est interdit à l'épouse de quitter la maison conjugale. Ici, Allah Azzawajal ordonne de loger les femmes qui sont divorcées en état et dans la période de viduité. Et Allah Azzawajal a donné une mesure à ce logement, si on peut appeler ça comme cela, bil ma'ruf. Askinuhunna min haythu sakantum. Logez-les là où vous logez. Ainsi, tu loges ta femme là où toi-même tu loges, selon tes capacités et selon tes possibilités. Puis Allah Azza wa Jalla dit: wala tudarruhunna litudayyiqu alayhin. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. C'est-à-dire, ne rendez pas leur résidence difficile, soit par vos paroles ou soit par vos actes. Car si vous êtes dur et si vous cherchez à leur nuire par la parole ou par les actes, pour qu'elles se lassent et qu'elles sortent de la maison avant la fin de la période de viduité, vous serez alors considérés comme les ayant expulsés. Car certains connaissent l'interdiction d'expulser la femme divorcée pendant la période de viduité. Mais que font ces personnes? Ils rendent la vie de cette femme difficile dans le but qu'elle craque et qu'elle sorte de la maison conjugale. Ici, un cheikh Saadi dit « Fatakunu antum al-mukhrijina lahun ». Si vous leur faites une pression, que ce soit par vos paroles ou par vos actes, et qu'elles sont lassées et exaspérées au point de quitter leur maison, eh bien, vous serez considérés comme les ayant expulsés. Ainsi, Allah Azzawajal interdit d'expulser les femmes et leur interdit de sortir. Allah Azzawajal ordonne de les loger sans qu'il n'y ait dans cela un préjudice pour elles ou une difficulté pour elles. Et cela revient à ce qui est de coutume chez les gens. Et si ces femmes, c'est-à-dire divorcées, qui sont dans la période de viduité, si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles accouchent. Pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles accouchent. Ceci, pourquoi est-ce que l'homme doit pourvoir aux besoins de sa femme lorsqu'elle est enceinte jusqu'à ce qu'elle accouche, si c'est une femme qui est divorcée pour la troisième fois? On avait dit qu'il n'a pas la possibilité de la reprendre. Et on avait dit également qu'il ne lui est pas obligatoire de subvenir à ses besoins. Sauf si elle est enceinte. Dans ce cas, il doit subvenir à ses besoins, non pas parce qu'elle est dans la période de viduité, mais parce qu'elle est enceinte et qu'elle porte son enfant. Et si c'est une femme qui est divorcée pour la première ou la deuxième fois, dans ce cas, il se doit de la nourrir et de pourvoir à ses besoins pour deux raisons. La première, parce que ça reste encore son épouse, car pendant la période de viduité, c'est toujours son épouse, et également parce qu'elle est enceinte. Puis il dit Ta'ala, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Si elles allaitent l'enfant né de vous, donnez-leur salaire. c'est-à-dire après l'accouchement. On avait dit que le divorce était effectif juste après l'accouchement. Et si l'ex-épouse allait ton enfant, alors tu te dois de lui donner un salaire pour cet allaitement. Tu dois lui donner un salaire pour cet allaitement car ce n'est plus ta femme. Tu dois lui donner le salaire convenu si celui-ci a été convenu, ou alors tu dois lui donner ce qui est de coutume et ce qui est la normale. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. Et Allah Azza wa Jal dit, concertez-vous à ce sujet de façon convenable. C'est-à-dire que chacun des époux conseille l'autre dans le bien. Car il y a, et le bien, c'est tout ce qui comporte un bien. Dans cette vie d'ici-bas, et dans l'au-delà. Car le fait d'être insouciant à cet égard, c'est-à-dire le fait de ne pas se conseiller mutuellement le bien, eh bien, cela amène le mal et amène souvent des choses néfastes que seul Allah Azza wa Jal, dont seul Allah Azza wa Jal connaît les limites et l'ampleur. Et dans le fait de se conseiller mutuellement entre les époux, le bien et la piété est ce qui est conforme à cette situation. Car les deux époux, lorsqu'ils se séparent, et surtout lorsqu'ils ont un enfant en commun, eh bien souvent, il y a des disputes, des désaccords au sujet de la pension et au sujet de l'enfant. Et souvent, cette séparation résulte d'un certain dégoût et d'une certaine forme de colère. Ainsi, chacun des époux doit être conseillé à bien se comporter et à ne pas être la source de disputes et de désaccords. Puis Allah Azza wa Jal dit « Wa in ta'asartum » et si vous rencontrez des difficultés, c'est-à-dire si vous n'êtes pas d'accord et si vous n'avez pas trouvé un terrain d'entente sur l'allaitement de l'enfant, alors qu'une autre que la mère de l'enfant l'allaite. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Baqarah, le verset 233, فَلَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Nul grief, nul mal à vous faire, nul mal à vous, à condition que vous vous acquittiez de la rétribution convenue, à condition que vous donniez à cette nourrice le salaire convenu. Et Allah Azza wa Jal dit, juste avant ce verset, « Wa in aradtum an tastardi'u awladakum » Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, c'est-à-dire si vous voulez que ce soit une nourrice qui allaite votre enfant et non votre ancienne épouse. Allah Azza wa Jal dit, « Fala junaha alaykum » Il n'y a pas de mal à faire cela à condition que vous vous acquittiez de la rétribution convenue, à condition que vous donniez à cette nourrice le salaire convenu. Ceci, lorsque l'enfant accepte le sein d'autre que sa mère. Si l'enfant n'accepte aucun sein hormis celui de sa mère, alors il est obligatoire à sa mère de l'allaiter. Et si elle refuse, elle doit l'allaiter de force et l'on doit lui donner soit un salaire convenu ou soit alors le salaire qui est normal et de coutume dans ce genre de choses. Et Cheikh Oussaidi dit que l'on retient cela l'on retient cela du verset? Comment est-ce que l'on retient cela du verset? Il dit, rahimahullah, que lorsque l'enfant était dans le ventre de sa mère, Allah azawajal a imposé à qui de subvenir à ses besoins? Au mari. Lorsque l'enfant était dans le ventre de sa mère, Allah azawajal a imposé au mari de subvenir à ses besoins. Lorsque l'enfant est né et qu'il a la possibilité d'être nourri par autre que sa mère, Allah azawajal a alors autorisé les deux choses, soit que sa mère l'allaite, ou soit qu'il soit allaité par une nourrice. Et si l'enfant ne peut être nourri que par sa mère, alors il a le même jugement que s'il était dans le ventre de celle-ci. Car l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, qui peut le nourrir uniquement? Sa mère. Et lorsqu'il est né et qu'il ne peut et qu'il n'accepte que le sein de sa mère, eh bien, il a le même jugement que s'il était dans le ventre de sa mère, et ainsi sa mère se doit obligatoirement de l'allaiter et elle prend en échange de cela une contribution financière selon les capacités du mari. Car Allah Azza wa Jalla a dit « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَةٍ » que celui qui est aisé dépense de sa fortune. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي لينفق الغني من غناه فلا ينفق نفقة الفقراء ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه فلينفق مما آتاه الله من الرزق لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية حيث جعل كلا بحسبه وخفف عن المعسر وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها في باب النفقة وغيرها سيجعل الله بعد عسر يسرا وهذه بشارة للمعسرين أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدة ويرفع عنهم المشقة فإن مع العسر يسرا Puis il dit, rahimahullah, en expliquant la parole d'Allah Azzawajal, que celui qui est aisé dépense de sa fortune. C'est-à-dire que celui qui est riche dépense de sa richesse et qu'il ne donne pas ce que donnerait un pauvre. Autrement dit, Allah Azzawajal ordonne à l'homme de donner une compensation à la femme qui allait son enfant. Puis Allah Azza wa Jalla dit et que celui qui est aisé dépense de sa fortune, c'est-à-dire celui qui a la possibilité de donner de son argent de façon convenable, qu'il donne. Mais qu'un riche donne ce qu'un pauvre donnerait à une nourrice, cela n'est pas convenable. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ et celui dont les biens sont restreints, c'est-à-dire celui qui n'a pas beaucoup de moyens, Allah Azza wa Jalla dit فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ qu'il dépense selon ce qu'Allah lui a accordé comme pourvoyance. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné. Et cela est conforme à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il a donné à chacun selon sa capacité. Il a ordonné chacun selon sa capacité. Et Allah Azza wa Jal a soulagé et soulage celui qui est en difficulté et ne lui impose, c'est-à-dire de dépenser, que ce qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé comme pourvoyance. Ainsi, Allah Azza wa Jal n'impose pas à une âme plus que sa capacité. Ceci concerne le fait de dépenser, mais également autre que la dépense, comme la capacité physique. Allah Azza wa Jalla ne t'impose pas de dépenser plus que tu n'as. Et Allah Azza wa Jalla ne t'impose pas de faire plus que ce que tu peux faire physiquement. Celui qui ne peut pas prier debout, est-ce qu'on lui impose de prier debout? Non. Il ne peut pas prier, il n'a pas la capacité physique de prier debout. Donc il prie assis. Celui qui n'a pas la capacité de prier ni debout ni assis, il prie allongé. On ne peut pas imposer à celui qui n'a pas la capacité physique de prier debout ou assis de le faire malgré lui. Pour cela que Cheikh Saadi a dit, et cela concerne le chapitre de la dépense, c'est-à-dire le fait de dépenser de ses biens, mais également tous les autres chapitres. سيجعل الله بعد عسر يسرا. Allah fera succéder l'aisance à la gêne. Et ceci est une bonne nouvelle qui est annoncée à ceux qui sont en difficulté. À ceux qui sont en difficulté, qu'Allah Azza wa Jal va ôter à un moment ou un autre cette difficulté dont ils sont ou qu'ils subissent. فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَى إِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَى. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans surat al-Sharh, il y a avec la difficulté, il y a la facilité. Avec la difficulté, il y a la facilité. ثم قال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Il dit subhanahu wa ta'ala dans les versets 8 à 11 de surat At-Talaq. Que de citer, naam, de 8 à 12, naam. Afin de 8 à 12. Que de cités ont refusé avec insolence le commandement de leur Seigneur et de ses messagers. Nous leur en demandâmes compte avec sévérité et les châtiâmes d'un châtiment inouï. Elles goûtèrent donc la conséquence de leur comportement et le résultat final de leur action fut leur perdition. Allah a préparé pour eux un dur châtiment. Craignez Allah donc, ô vous qui êtes doués d'intelligence, vous qui avez la foi, certes Allah a fait descendre vers vous un rappel, un messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui vous récite les versets d'Allah comme preuve claire, afin de faire sortir ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres des ténèbres à la lumière, et quiconque croit en Allah et fait le bien, il le fait entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah lui a fait une belle attribution. C'est Allah qui a créé sept cieux et autant de terres. Entre eux, son commandement descend afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم العاتية والقرون المكذبة للرسل أن كثرتهم وقوتهم لم تنفعهم شيئا حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم وأن الله أذاقهم من العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة ومع عذاب الدنيا فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب أي يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره وأن الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم أن من بعدهم مثلهم لا فرق بين الطائفتين. ثم ذكر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الخلق من ظلمات الكفر والجهل والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة. فمن الناس من آمن به، ومنهم من لم يؤمن به، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا من الواجبات والمستحبات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. أي ومن لم يؤمن بالله ورسوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Il dit رحمه الله الله عز وجل informe de sa destruction des peuples qui ont refusé avec insolence les messages qui leur sont parvenus, ceux qui ont traité de menteurs les prophètes. Et que leur grand nombre et leur force ne leur ont été d'aucun secours. Leur grand nombre et leur grande force ne leur ont été d'aucune aide lorsque le châtiment terrible et douloureux d'Allah Azzawajal s'est abattu sur eux et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a infligé un châtiment qui est proportionnel à leurs actions ignobles. Et en plus de ce châtiment mondain, Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparé dans l'au-delà un châtiment bien plus douloureux encore. فاتقوا الله يا أولي الألباب. Craignez Allah, ô vous qui êtes doués d'intelligence, ô vous qui avez la raison, ô vous qui comprenez les signes d'Allah et qui méditez sur celles-ci, que celui qui a détruit les peuples précédents parce qu'ils ont traité de mensonges les prophètes et le message qui leur a été transmis, que ceux qui vont leur succéder auront le même jugement, qu'il n'y aura pas de différence entre les peuples qui ont précédé et les peuples qui vont succéder. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé ses serviteurs croyants de ce qu'il a fait descendre pour eux comme livre, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin de faire sortir ces créatures des ténèbres de la mécréance, de l'ignorance et de la désobéissance vers la lumière de la science, de la foi et de l'obéissance, et qu'il y aura parmi les gens ceux qui vont croire en ce Coran et ceux qui ne vont pas croire en lui. Puis il dit Azza wa Jal, et celui qui croit en Allah et accomplit de bonnes œuvres, que ce soit des œuvres obligatoires ou recommandées, Allah le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Il y aura dans ces jardins des délices éternelles. Il y aura dans ces jardins ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur humain n'a ressenti. خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Ils y resteront éternellement. Allah lui a fait certes une belle attribution. Et quant à celui qui ne croit pas en Allah et en son prophète, ceux-là sont les habitants de l'enfer dans lequel ils resteront éternellement. Puis Allah عز وجل ثم قال رحمه الله شارحا الآية الأخيرة من سورة الطلاق ثم أخبر تعالى أنه خلق الخلق من السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهن وأنزل الأمر وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهم، وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بها الخلق، كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلم إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء. فإذا عرفوه بأوصافه المقدسة وأسمائه الحسنى وعبدوه وأحبوه وقاموا بحقه، فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر من الخلق والأمر معرفة الله وعبادته. فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. تم تفسيرها والحمد لله. Puis il dit, rahimahullah, en expliquant le dernier verset de Surat al-Talaq. Puis Allah subhanahu wa ta'ala informe qu'il a créé les créatures parmi les sept cieux et ce qui y est contenu, ainsi que les sept terres et ce qu'elles contiennent, et ce qu'il y a également entre les cieux et la terre, et qu'Allah azawajal a fait descendre son commandement, que sont ces législations et les jugements religieux qu'Allah azawajal a révélés à ses prophètes, afin de rappeler ses serviteurs et de les exhorter. Également, le commandement qu'Allah azawajal a fait descendre et le commandement terrestre, ceux à travers lesquels Allah azawajal administre et gère ses créatures. Tout ceci, Allah azawajal le fait descendre afin que ses serviteurs prennent conscience qu'Allah azawajal est capable de toute chose et que Allah subhanahu wa ta'ala, sa science, englobe toute chose. Lorsque ses serviteurs prennent connaissance de qui est Allah azawajal, lorsque ses serviteurs prennent connaissance de ses attributs et de ses noms beaux et majestueux, et qu'il l'adore et qu'il l'aime subhanahu wa ta'ala, et qu'il mette en pratique ses commandements, ceci est le but qui est voulu par la création, de connaître Allah et de l'adorer. Et ceux qui connaissent Allah et l'adorent sont ceux à qui Allah azawajal a permis de le faire parmi ses serviteurs vertueux. Quant aux injustes, ils se sont détournés de tout cela, à savoir de la connaissance d'Allah et de son adoration. Ainsi se termine le tafsir de Sourate At-Talaq. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.